croissant. JLN, yeah yeah. Si tu mets pas du cœur, c'est vrai que ça meurt. L'exhale. Pas besoin que les spots m'allument. Tout en froissant le truc, je brille. La plume éclairée par un croissant de lune. Y'a pas de droit sans lutte. Je crois en Dieu, pas en l'urne. Libre, le président peut se mettre un doigt dans le huc. Tu sais ce qui m'attriste, man. J'garde l'esprit la grinta. Pour ce qu'il a trix, man. J'kick sale, mais je cicatrise mal. Quelques points de suture dans mon coin de rue dure. Il est loin le futur. Je me suis confronté au pire en sachant qu'il arriverait. Manquant de mots pour le dire car mon cœur est illettré. La galère tire les traits, le temps bannit les traîtres. Un élève qui monte en grade aura juste appris des maîtres. Auprès de mes proches, il n'y a pas que leur qui brille. Ma langue est dans ma poche, nul besoin de lèche-vitrine. Reconnais mes torts avant que la mort s'immisce. Que j'approche Iblis et sa force illégitime. Chaque soir, j'allume un spar à la poussière de lune. Je devrais stopper au lieu d'y mettre vraiment toutes mes thunes. J'ai conscience du monde dans lequel on vit, loin des conflits de leur politique. Ici je survivre avec ce que j'ai, on est maudit, on a compris réellement leur projet. Ils ont un ciel ouvert, la caisse et le bif fait prendre des risques en Europe. On tape des manifs pendant qu'ils sont en Palestine. En Europe on bloque des ronds-points et on décapite au Bénin. Pas de hasard, pour chaque bagarre on part de rire. Et dans ce bazar, à ce monde de bar, je suis fier d'appartenir. À part saisir l'instant, même si tu pries en boucle. Pas de moment de vie en double. J'ai fait trop de ratures spontanées alors que tout est écrit, j'en doute. Au lieu de compter des liasses où la thune s'absente, on se décale. Heureux de trouver une place sous la lune croissante de l'exhale. On débat, on milite loin des idées de ceux qui gouvernent. Bien sûr qu'on dépasse les limites, on va en fixer des nouvelles. J'ai suivi l'astre jusqu'à l'aube, dévasté jusqu'à l'or. Et là j'ai traversé des champs de lave dans un vétuste carrosse. Un gars brisé jusqu'à l'os, que les blessures talonnent. Mon arme a dû éponger tant de larmes que j'en ai plus le tarot. J'attends plus que la lune éclaire, déçu que mes lacunes et cœur. Perdu dans la brume épaisse, jamais je n'ai vaincu mes peurs. Mais je reste là, entre homicide et désastre, où l'amour s'est exilé, sûrement domicilié des astres. Rien à foutre de tous tes bails, y'a un truc que tu t'es pas dit. Mais je prends les paris, y'en a pas un qui t'ébahit. On enfile nos codes de maille, déjà prêt bien avant que t'arrives. Des requins dans les Caraïbes, ne sont que des poissons d'avril. Je rappe jusqu'à la fermeture. Ouais, je dois faire quelques thunes avant d'apprécier le clair de lune. Son reflet sur une mer de dunes, y'a des espoirs intarissables et des vérités qui font mal. Ce qui fait que tu vois souvent le monde à l'horizontale. Je raconte ma vie, ses aléas. La street, les galéreux, trop d'enculés sont pas nia. Parfois, je suis pas mieux. Préfère croire au Père Noël plutôt que croire en eux. Le soir pété, je guette la Luna. Et je repense à nous deux. Je roule un pétard, je mets un 10 balles. Et je regretterai comme Edith Piaf. Écrire, c'est vital comme respirer ou faire des faves. T'es mon pote, tu fais des phases. Je t'évite, t'es trop néfaste. Je vais me tailler loin d'ici comme une étoile. J'ai besoin d'espace. Un clair de lune éclaire mes nuits sombres. 15e et 13e lettre sur les cuissons. Faudrait qu'on rende compte de ce qu'on raconte. Je transforme et flotte en compte. Tu Marseille de fond en comble. Les délires d'un orfèvre sur le champ de la lyre d'Orphée. Genoux morphés, accro morflés. Je veux que la foule s'élève, enlever le tout des têtes. Que la voûte s'élève, que ma foule caresse la voûte céleste. C'est toujours les mêmes thèmes qu'on distille. Ce beat en freestyle, la sédition comme J-Kill. Pouvoir les fachos qui style. Mais qui maîtrise personne, y'a que l'aine qui ressort. La vie est un coup de massue, demande à Nicky Larson. De l'encre et ma feuille absorbe. Mange ta raison, y'a plus de mère Teresa. Ils ont bouffé le réseau. Alors je traverse les rizières accompagné de mes sauces. Nique le monopole des grains, même ton Jeff Bezos. Alors qu'il est, j'ai l'impression qu'il y a d'autres mondes. L'éveil logué sur la terre entière. Comment se battre contre ces âmes vagabondes. Et les faire rayonner de lumière. Sois pas choqué si tu arrives à voir ces bêtes immondes. C'est que tu as levé tes œillères. Croissant et la lune et ce soir je m'en inspire. Je me sens prêt à contre-attaquer je l'Empire. Je vis à l'heure de neige, on te dira oui mais non. Comme Geneviève ou la jeune nièce de Georges Simenon. À l'entre-deux, je prends ma plume quand je veux, j'ai mille raisons. Liaison dangereuse et je suis dans le jeu depuis des plombs. Aussi vrai que ma mère est sacrée, que la terre est bleue. Que ma merveilleuse m'amène loin des affaires ténébreuses. J't'ai fait les nœuds, ça je sais, chaque rêve est vénéneux. Y'a le fond et la forme et j'arrêterai pas de taper les deux. Je m'élève. Les êtres humains sont désunis depuis les Sumériens. Que même Ulysse croyait les avoir vaincus, mais rien. Les petits gérants et les dirigeants de réseau. Belligérants, avides des dividendes des autres. Des ordres, ouais la misère ici c'est pas ce qui manque. Et je partirai aussi vite qu'une étoile filante. Un ensemble d'hématomes qui fait de moi ce que je suis. Je n'enforte plus des albums, je crée des masterpieces. Alors qu'il est, j'ai l'impression qu'il y a d'autres mondes. L'éveil logué sur la terre entière. Comment se battre contre ces âmes vagabondes. Et les faire rayonner de lumière. Sois pas choqué si tu arrives à voir ces bêtes immondes. C'est que tu as levé tes œillères. Croissant et la lune et ce soir je m'en inspire. Je me sens prêt à contre-attaquer l'Empire. Le bonheur on l'attend, le mal-être dure. Les gens perdent des principes qu'ils n'ont jamais eu. Ça ressemble à des thunes. Bientôt les oiseaux boitent, les baleines brûlent. Pourquoi chercher trop d'interactions? On est souvent bien qu'avec une lune croissante. plume froissante. Tu ferais quoi tes minutes s'il t'en restait plus que 60? Encore, encore, c'est à celui ou celle qui fera plus. La tête doit prendre le dessus quand le cœur abuse. Rims, Uris, imagine un 16. Tu connais le génie au génome légendaire comme Prodigy. La guerre n'est jamais finie, ainsi va la vie, elle punit. Zoufrier hip hop depuis tout petit, puriste, mon orbite déprime les pronostics classiques. 50 piges, style la rime qui fige. Je m'affiche comme Armstrong sur la lune croissante. Planète Mars représente, corrige la bande passante. Je crois que j'ai enfin atteint ma forme finale. Je suis en mode pleine lune. Mon décor est abyssal, mais je m'y sens pas si mal, même si j'inhale peu d'air pur. Pourquoi c'est toujours ceux qui rappent le moins bien qui veulent en faire plus? Je compte sur personne pour briller, je me trouve pas d'excuses. Suffit d'un beat à mic et je t'en donne juste un aperçu. Je manque une de mes faces et je me plains que je fais pas assez de vues. Dans l'ombre depuis des lustres, mais bon, ça l'exalte, t'as prévenu. Je compte à Vénus, Mars, que toi Mercure. Toujours dans la lune, comme pour oublier que le monde est en train de vriller. On est pillé par les mêmes constamment, on nous ment sciemment. Et j'ai jamais su me taire, fuck un disque de diamant. Les yeux trop ouverts, je comprends pas votre silence. Et quand j'y pense, j'ai envie de remettre le couvert. Parce que les rappeurs font que brasser de l'air. Pourtant les choses sont claires. Nous sommes en guerre. Je rôde la nuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de passants sous la lune croissante. Pendant qu'ils cherchent une petite place entre le luxe, l'argent. Je m'allume en bas des trucs clinquants qui ne durent qu'un temps. Ici l'équipe est fine, je fais au moins 10 000 kills par an. C'est pas difficile, l'inspi sort direct de la rétine. Loin du paraître, j'ai mixé l'herbe et la résine avant de disparaître. On empilera un max de titres et comme dit Alex, j'ai pas confié toute ma vie au ministre. Comme du beurre de carité, je m'infiltre. Ici tu meurs de charité, j'insiste. Tu comprends pas le principe si tu mets pas replay. Trop de vanité, tu finis dans les pompes d'un va-nu-pied. Elle va lutter ou tu seras mort avant tes 40 annuités. On marque nos territoires, pisse comme des canidés. Un secteur dérisoire, trop de délits en plus du déni de boire. Trop de bénis, c'est comme la parité. Peu de bénis et trop de dérives au square. Et d'histoire, les mers sont paniquées. Des cycles, la lune croissante, pousse les vents, les marées. Des inécrés, ses influences au gré du temps. Je récite mes prières de lumière, tel un phare dans la nuit. Je précise qu'ici, on a grandi le flux tout près du centre. Ça lutte face aux forces invisibles, comme à contre-courant, ça urge. Sache qu'un point dans l'univers. Vert te passe le salut, on évalue, on évolue. On attend que les cœurs s'allument. Une impression déjà vue pour soigner ce monde insalubre. Esprit serein comme l'exalour, capitaine de mon navire, gardien de mes frères, de mes sœurs, venu d'Alcamar. Silence et d'or, donc j'avance comme un clan-clan. Reviens tout niquer comme à l'époque d'esprit de clan. Un paix amour dans vos vies, ainsi soit-il. Pour affronter celle-ci, il faut des épaules. Reste toi-même, ça paye pas de jouer des rôles. Elle peut être cruelle, demande asile. Au crépuscule, je déambule, perdu dans mes pensées. Chaque soir, Chétan me rejoint au comptoir et m'invite à danser. Parfait pour ce monde, j'ai peur de finir en psychiatrie. Stress, c'est vrai que les paroles s'envolent et seules les cicatrices. Reste à moitié fou, à moitié sourd. Plus rien ne me donne la gueule à part les sous. Me fais pas croire qu'on s'entend bien, on s'écoute par les sourds. Je crois bien qu'un jour, je vais finir par prendre feu tellement je m'allume. Qui l'a, majeur en l'air et la tête dans la lune.